Unité 52. Conversation. Écoutez. 1. Un des grands problèmes du monde moderne est la lutte contre la pollution. 2. Des associations ont été créées un peu partout pour lutter contre ce fléau. 3. Les associations d'écologistes sont regroupées à la MNE, la Maison de la Nature et de l'Environnement. 4. Des manifestations y sont organisées et une documentation y est mise à la disposition du public. Répondez, répétez. 5. Un des grands problèmes du monde moderne. Six. Un des grands problèmes du monde moderne est la lutte contre la pollution. Sept. Que fait-on pour lutter contre ce fléau? Huit. Des associations ont été créées un peu partout pour lutter contre ce fléau. Neuf. Des associations d'écologistes ont été organisées. 10. Oui, des associations d'écologistes sont regroupées à la MNE, la Maison de la Nature et de l'Environnement. 11. Elle organise des manifestations. 12. Oui, des manifestations y sont organisées et une documentation y est mise à la disposition du public. 13. Monsieur Monnier, depuis combien de temps vous intéressez-vous à la protection de la nature? 14. C'est un problème qui m'a toujours beaucoup préoccupé. 15. Mais à quel moment avez-vous commencé à mener une action dans ce sens? 16. En 1970, j'ai été nommé membre du comité de la Carte de la Nature. 17. La pollution est-elle née au XXe siècle? 18. Non, elle était déjà dénoncée par les écrivains du XVIIe siècle. 19. À qui faites-vous allusion? 20. Par exemple, à Boileau, dans les embarras de Paris. 21. Tiens, c'est intéressant. De quoi se plaignait-il? 22. Il se plaignait d'être dérangé par le bruit, d'être éclaboussé par les voitures, par les carrosses. Répondez, répétez. 23. Monsieur Monnier, depuis combien de temps vous intéressez-vous à la protection de la nature? 24. C'est un problème qui m'a toujours beaucoup préoccupé. 25. Mais à quel moment avez-vous commencé à mener une action dans ce sens? 26. En 1970, j'ai été nommé membre du comité de la Carte de la Nature. 27. La pollution est-elle née au XXe siècle? 28. Non, elle était déjà dénoncée par les écrivains du XVIIe siècle. 29. À qui faites-vous allusion? 30. Par exemple, à Boileau, dans les embarras de Paris. 31. Tiens, c'est intéressant. De quoi se plaignait-il? 32. Il se plaignait d'être dérangé par le bruit, d'être éclaboussé par les voitures, par les carrosses. Écoutez. Mais Boileau serait bien surpris par les bruits de Paris aujourd'hui. Il est certain que l'aggravation des phénomènes de pollution était difficilement prévisible à cette époque-là. Ces problèmes-là n'ont pas été abordés pendant l'essor de la civilisation industrielle. Non. Les problèmes de l'environnement n'étaient pas aussi graves que maintenant. Peut-être pensait-on que les ressources naturelles étaient inépuisables. Certainement, Mais désormais, on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. Oui. Aujourd'hui, il faut penser aux conséquences d'un développement industriel anarchique sur l'équilibre humain. Répétez. 33. Mais Boileau serait bien surpris par les bruits de Paris aujourd'hui. Il est certain que l'aggravation des phénomènes de pollution était difficilement prévisible à cette époque-là. 35. Ces problèmes-là n'ont pas été abordés pendant l'essor de la civilisation industrielle. 36. Non. Les problèmes de l'environnement n'étaient pas aussi graves que maintenant. 37. Peut-être pensait-on que les ressources naturelles étaient inépuisables. 38. Certainement, mais désormais on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. 39. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. 40. Oui, aujourd'hui, il faut penser aux conséquences d'un développement industriel anarchique sur l'équilibre humain. 41. Mais Boileau serait bien surpris par les bruits de Paris aujourd'hui. 42. Il est certain que l'aggravation des phénomènes de pollution était difficilement prévisible à cette époque-là. 43. Ces problèmes-là n'ont pas été abordés pendant l'essor de la civilisation industrielle. 44. Non. Les problèmes de l'environnement n'étaient pas aussi graves que maintenant. 45. Peut-être pensait-on que les ressources naturelles étaient inépuisables. 46. Certainement, mais désormais on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. 47. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. 48. Oui, aujourd'hui, il faut penser aux conséquences d'un développement industriel anarchique sur l'équilibre humain. 49. Avec vous, Madame Barbier, nous pourrions parler plus spécialement des problèmes de la pollution atmosphérique. 50. Oui, si vous voulez, nous pouvons voir les causes de cette forme de pollution. 51. Quels sont alors, d'après vous, les principaux responsables? 52. D'abord, la production industrielle, avec ses fumées, ses odeurs. 53. Et ensuite? 54. La pollution est aussi due au chauffage domestique. 55. Et aux véhicules à moteur, je pense. 56. Oui, à Paris, par exemple, 47% de la pollution atmosphérique est causée par les gaz d'échappement des voitures. Répondez, répétez. 57. Avec vous, Madame Barbier, nous pourrions parler plus spécialement des problèmes de la pollution atmosphérique. 58. Oui, si vous voulez. Nous pouvons voir les causes de cette forme de pollution. 59. D'accord. Quels sont alors, d'après vous, les principaux responsables? 60. D'abord, la production industrielle, avec ses fumées, ses odeurs. 61. Et ensuite? 62. La pollution est aussi due au chauffage domestique. 63. Et aux véhicules à moteur, je pense. 64. Oui, à Paris, par exemple, 47% de la pollution atmosphérique est causée par les gaz d'échappement des voitures. 65. Quelle autre forme de pollution est préoccupante? Monsieur Parot, vous pouvez répondre à cette question? 66. Sans aucun doute, la pollution du sol. 67. Pourquoi? 68. Il y a deux choses à considérer. 69. Lesquelles? 70. Nous sommes directement touchés par la pollution de l'air. 71. Peut-être parce que nous sommes obligés de respirer un air pollué. 72. Oui. Et puis nous sommes touchés par la pollution de l'eau parce qu'elle se voit. 73. Oui. Grâce à la télévision, nous sommes souvent frappés par des images de rivières et de fleuves pollués. 74. Et on oublie que tous les produits toxiques finissent par se déposer dans le sol. 75. Pour ce qui concerne le sol, nous sommes menacés par quel danger ? 76. Les pollutions dues à l'accumulation des détritus toxiques pour les plantes, les animaux et les hommes. 77. Et l'accumulation de matières non dégradables. 78. Oui, et aussi la destruction progressive des espaces verts. Répondez, répétez. 79. Quelle autre forme de pollution est préoccupante? Monsieur Parot, vous pouvez répondre à cette question? 80. Sans aucun doute, la pollution du sol. 81. Pourquoi? 82. Il y a deux choses à considérer. 83. Lesquelles? 84. Nous sommes directement touchés par la pollution de l'air. 85. Peut-être parce que nous sommes obligés de respirer un air pollué. 86. Oui. Et puis nous sommes touchés par la pollution de l'eau parce qu'elle se voit. 87. Oui. Grâce à la télévision, nous sommes souvent frappés par des images de rivières et de fleuves pollués. 88. Et on oublie que tous les produits toxiques finissent par se déposer dans le sol. 89. Pour ce qui concerne le sol, nous sommes menacés par quel danger ? 90. Les pollutions dues à l'accumulation des détritus toxiques pour les plantes, les animaux et les hommes. 91. Et l'accumulation de matières non dégradables. 92. Oui, et aussi la destruction progressive des espaces verts.